Attention, message personnel. Panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ah ah, nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 29. Bienvenue à toi dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin le dimanche 26 mars 2006, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es Dolce Vita, tu es Cicciolina, tu es Tomate Mozzarella, tu es Caligula, tu es Vespa et tu es aussi... Ma vie sera la tienne. Lasciatemi cantare. Méditerranéenne. Sono un italiano. Oui, tu l'auras compris, l'ami. Ce matin, tous les chemins mènent à Rome, tu es Romain. Dans 15 jours, le 9 avril prochain, les Italiens iront voter pour élire leurs nouveaux députés au Parlement qui siègent à Rome. Ils auront le choix entre le programme Payette de Silvio Berlusconi et la social-démocratie proposée par Romano Prodi. Alors, au cœur de cette campagne électorale décisive, la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin d'aller faire un tour dans la capitale italienne, Rome, ville ouverte. Donc, dans l'heure qui vient, nous allons tenter de te raconter une histoire illustrée, mais toujours décalée, celle de la ville éternelle, Roma. Pour commencer, il faut essayer de retracer l'histoire de la ville de Rome dans l'imaginaire des Français. Ensuite, il faudra se souvenir qu'au cœur de Rome existe un État indépendant tout à fait particulier, le Vatican, au sein duquel se reconnaissent les catholiques du monde entier. Parmi eux, on enchaînera sur une interview exclusive de Monseigneur Gaillot, évêque in partibus, qui viendra nous parler de son expérience vaticane. Et puis, nous te dévoilerons les raisons secrètes et surtout les coulisses de ce curieux voyage qu'a effectué président Chirac il y a quelques jours dans la ville aux sept collines. Et enfin, te raconter ce week-end à Rome, tous les deux sans personne, que se sont offerts Monique et Jean-Claude pour célébrer l'arrivée du printemps. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, andiamo, c'est la panique au Mangin Palace, alors bien sûr, monte le son, ceux qui vont s'amuser te saluent. Take on me, chante le groupe Haha, au cœur des années 80. Haha, une bande de trois ragazzi venus du Nord mais qu'on verrait bien sur des Vespa Piazza Navona pour regarder passer les filles. Alors, cette semaine, la panique en direct du Mangin Palace s'intéresse donc à la ville de Rome à l'heure où se préparent les élections législatives italiennes. Et pour commencer, nous allons survoler les relations que les Français entretiennent avec la ville que les Romains disent éternelle. Et oui, parce que les Romains, ils l'aiment beaucoup, leur ville. Et les... Selon la légende, la ville de Rome fut fondée par Romulus le 21 avril 753 avant Jésus-Christ. Rome aurait donc aujourd'hui 2759 ans. Romulus et son frère Rémus seraient les descendants d'Énée, le héros troyen réfugié en Italie. Les jumeaux, abandonnés puis secourus par une louve, auraient décidé, une fois adultes, de fonder une ville. Et pour savoir lequel des deux allait régner sur cette ville, les frangins ont laissé faire les dieux. Romulus vit ce jour-là 6 vautours de plus que son frère. Ainsi, il était donc choisi par les dieux. La ville de Romulus se situait sur le Palatin, une des 7 collines de Rome. Rome a connu 7 rois et fut la capitale d'une république puis d'un empire. Le petit village berger devint en quelques siècles le maître du bassin méditerranéen. La conquête de la Gaule par Jules César s'acheva en 52 avant Jésus-Christ. La Gaule romaine, c'est une période de prospérité, mais qui n'est pas épargnée par les critiques. Vous savez ce que je dis, moi ? Je dis que César ne serait pas un loup si les Romains n'étaient pas des agneaux. Je dis que César ne serait pas un lion si les Romains n'étaient pas des biches. Et je dis qu'on aurait profité que César est là pour lui faire savoir qu'on en a marre. Écoutez-moi, vous pensez tous que César est un con. Ouais ! Vous pensez que le consul et son conseiller sont des cons. Ouais ! Que les émirs, la police et l'armée sont des cons. Ouais ! Et vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons. Ouais ! Et vous avez raison. Mais eux aussi, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons. Ouais ! Un très beau document sonore venu directement de l'Antiquité et qui trouve une belle résonance dans l'actualité. Non ? Au Moyen-Âge, Rome fut la capitale des États pontificaux, souvent en conflit avec le Saint-Empire romain germanique que Napoléon a dissous en 1806. D'ailleurs, sous l'Empire napoléonien, Rome devint le chef-lieu du département du Tibre, un des 130 départements français. En 1810, Napoléon a d'ailleurs emprisonné Pie VII, le pape qui l'avait pourtant sacré empereur 6 ans plus tôt. Pie VII s'opposa donc à Napoléon au début du XIXe siècle. Et en 1867, les relations entre la ville de Rome et la France passent une nouvelle fois par la famille Bonaparte. En effet, les volontaires de Garibaldi voulaient chasser Pie IX de Rome pour en faire la capitale de l'Italie nouvellement unifiée. L'empereur Napoléon III décida alors d'envoyer des troupes à Rome pour protéger le pape assiégé et s'attirer les suffrages des catholiques français. Oh, pas une grande armée, juste un petit contingent pour soutenir les soldats pontificaux. Pas une vraie guerre donc, juste un... Tous les 200 personnes, Florence, Milan, s'il y a le temps, week-end, week-end. Je voudrais coincer ma bulle dans ta bulle du pape, bien entendu. Napoléon III, qui a contribué à l'unité italienne, a donc pourtant empêché en 1867 à Mentana que Rome devienne la capitale de l'Italie. Il faut attendre 1871 et la défaite française contre la Prusse pour que Rome soit enfin la capitale d'une nation unifiée. Mais l'histoire contemporaine de Rome, c'est aussi la folie des grandeurs de la dictature fasciste de Mussolini installée au pouvoir après la marche sur Rome en 1922. Nous voici au stade Adenoïde-Inkel, où un demi-million de spectateurs va assister au défilé du plus grand déploiement de forces armées du monde. Notre bien-aimé Führer et El Doce sont assis dans la tribune d'honneur, émus par la portée historique de l'événement. Quoi ? Non, je dis rien, je mange des cacahuètes. Ah bon ? Vous en voulez peut-être, non ? Merci, j'en ai déjà eu. Ah bon, parfait. Tenez, Spock. Et voici l'artillerie lourde de Tomenia. C'est très bien. Moi, je vais vous montrer mes bombardiers, je les ai appelés il y a une demi-heure pour les faire venir. Ah bon, et d'où vont-ils venir? À Rome. À Rome, mais c'est à 650 km. C'est vrai, ils devraient être là s'ils avaient décollé quand je l'ai demandé. 650 km en une demi-heure. Toujours des vantards, ces Italiens, hein? Après la guerre, l'Italie de la reconstruction est ouverte et démocratique. Et Rome, encore une fois, est le symbole de la volonté de paix et de prospérité, comme ce 25 mars 1957. Ici Michel Leblanc qui vous parle de Rome. Malgré une pluie diluvienne qui est venue quelque peu gâter les manifestations extérieures, c'est une imposante cérémonie qui vient de se dérouler au Capitole, où a été signé tout à l'heure, avec tout l'appareil des grandes rencontres historiques, l'acte de naissance des deux nouvelles communautés européennes, celle de l'Euratom et celle du marché commun. C'est d'abord le maire de Rome, le sénateur Tupini, qui a souhaité la bienvenue aux hommes d'État présents et qui a évoqué la mission universelle de la ville éternelle. Puis c'est le chancelier Adenauer qui a célébré cette journée. Il a affirmé que M. Paul-Henri Spaak a bien mérité de l'Europe et il a insisté sur le fait que la communauté européenne ne poursuit que des buts pacifiques. Elle n'est dirigée contre personne, elle est ouverte à la coopération de tous les États et est toute prête à les accueillir. Le chancelier Adenauer a alors exprimé le vœu qu'une Allemagne réunifiée puisse participer bientôt à une Europe unie. Alors, c'est quoi Rome? Eh bien, c'est avant tout la capitale de l'Italie. Mais si Rome a 2700 ans, elle n'est capitale que depuis 135 ans. Et les autres grandes villes italiennes, au passé prestigieux, elles aussi sont parfois jalouses de l'ombre que leur fait la capitale administrative. Les autres villes italiennes, elles, ne manquent pas, dès qu'elles le peuvent, de manifester leurs différences. Naples a le feu du volcan, Palerme la chaleur du désert, Milan la saveur de la terre et Venise la lueur d'une lune claire. J'ai le feu du volcan, la chaleur du désert, la saveur de la terre, la lueur d'une lune claire. Je n'ai rien que dans le cœur l'immensité du ciel ouvert. J'ai la fraîcheur d'une rivière, la colère du typhon. J'ai l'amour d'une mer, les tourments des quatre vents. Comme ils tombent les flocons de l'hiver. Ils s'entassent dans ma tête comme mes contradictions et mes perles d'amour. J'ai la lumière du soleil, le frisson de la fougère, la rudesse de l'hiver, la douceur du miel, la folie manifeste et la tristesse éphémère, la foi, mais de celle qui ne pose pas de barrière. Étrange comme je t'aime, comme le fleuve, je m'abreuve à l'océan de ta pensée, boire toute l'eau de la mer pour que tu viennes m'aimer. Simplement comme hier. Étrange comme je t'aime. Étrange comme je t'aime. Prise au piège, j'écoute les tambours de la pluie. Je pleure au torrent qu'en voyant la souffrance d'autrui. Trop de choses à la fois se font des routes dans ma tête, alors je ne sais plus rien. Sauf que pour toi, je creuserai de nouveaux sillons, mélodie de l'univers. Étrange, c'est ce que pense le groupe Doba Caracol. Et en effet, c'est étrange. Dans les sondages, Berlusconi ne caracole plus en tête. C'est ballot. Alors, pour continuer notre voyage romain au cœur de la cité éternelle, après avoir survolé la représentation de Rome dans l'imaginaire des Français, il est temps maintenant, toujours en direct du Mangin Palace, de nous intéresser à une spécificité romaine, à savoir l'existence sur son territoire d'un État indépendant, le Vatican. Oui, Quesaco, le Vatican. Le Vatican, c'est le plus petit État souverain du monde. Aujourd'hui, il compte à peine quelques centaines d'habitants. Il est apparu à la suite des accords du Latran, signés le 11 février 1929 par le Saint-Siège et par l'Italie de Benito Mussolini. Le Vatican, c'est le support du Saint-Siège, autrement dit des institutions politiques de l'Église catholique romaine. Au sommet de la hiérarchie vaticane, il y a bien sûr le pape, qui dispose du pouvoir absolu. Il est le dépositaire de l'autorité spirituelle et religieuse sur le monde catholique. Ainsi, à travers ce qu'on appelle des encycliques, à savoir des lettres solennelles adressées aux évêques du monde entier, le Saint-Père donne les grandes orientations des pratiques quotidiennes que doivent suivre les fidèles et surtout qu'ils doivent respecter. Le pape a dit que l'acte d'amour sans être marié est un péché. Donc, pour un pape, le meilleur moyen de lutter contre l'épidémie du sida, c'est de rester vierge jusqu'au mariage. En gros, c'est pas gagné. Mais alors, comment devient-on chef du Vatican ? Eh bien, il s'agit tout simplement d'une élection. Quelques semaines après la mort d'un pape, les cardinaux du monde entier se réunissent dans la chapelle Sixtine et durant plusieurs jours, ils discutent et tentent d'élire l'un des leurs comme énième successeur de Saint-Pierre. Le 19 avril dernier, par exemple, Benoît XVI a été élu 265e pape de l'histoire. Son élection fut rapide. Cela dit, il arrive parfois que les discussions s'éternisent. Et là, du coup, les cardinaux sont enfermés durant de longues heures, sans manger. Mais bon, rassure-toi, parce que dans ces moments-là, pour les cardinaux... Heureusement, il y a Bonino, Bonino, Bonino, un beau petit plat tout chaud. Bonino, Bonino, c'est tout simple à préparer. Bonino, Bonino, 5 minutes et déguster. Bonino, un bon petit plat de pâtes pré-cuites, déjà toutes cuisinées, à la napolitaine, à la forestière, à la provençale, au fromage et aux herbes fines. Bonino, les petits plats sur le pouce. Bonino. Alors là, non. C'est pas sérieux. Comment peut-on imaginer manger des pâtes sous les peintures de la chapelle Sixtine ? Cette chapelle, justement, fait partie des nombreux trésors culturels et architecturaux que compte le Vatican. Et pour en saisir l'authenticité, la panique au Mangin Palace va joindre maintenant en duplex son envoyé spécial, l'incroyable Émile Fouchetard, qui doit donc se trouver quelque part à proximité de la chapelle Sixtine à Rome. Alors, où êtes-vous exactement, Émile ? Eh bien, mon cher Philippe Collin, je suis effectivement loin de l'agitation créée autour du CPE, du contrat premier embrouille, parce que je suis actuellement, comme vous me l'avez demandé, à la chapelle Sixtine et je fais actuellement les 100 pas sur le trottoir. J'imagine, mon cher Émile, qu'à cette heure-là, il doit y avoir beaucoup de pèlerins autour de vous. Des pèlerins ? Non, pas vraiment, Philippe, à part un homme qui promène son chien, un autre qui fait les poubelles, une blonde qui fait du jogging. C'est très calme ici à cette heure, vous savez. Mais il n'y a pas d'agitation ? Non. À part un livreur aussi qui s'active à charger des fûts de bière vides sur son camion, il n'y a pas d'agitation du tout. Faut dire que la bière a coulé à flot ici. Hein. Mais c'est l'heure de la grand-messe, Émile, il devrait y avoir foule. Ah non. Ah mais puisque vous parlez de grand-messe, c'était cette nuit, vers 2h30 du matin. Oh là là, il y avait un set époustouflant du célèbre groupe Les Nonnes Manon Tropo qui nous a mis tous ici le cul par terre. Hein. Mais enfin, Émile, vous êtes bien à Rome. Ah non, Philippe, je suis à Londres. Mais vous n'êtes pas à la chapelle Sixtine ? Ah non, je suis à la chapelle Sixtine, le temple de la techno dans Soho. Mais enfin, Émile, c'était au Vatican que vous deviez aller. Ah bon ? Je suis désolé, mon cher Philippe, on a dû mal se comprendre. Voulez-vous que je rapporte du son des cloches de Big Ben pour me faire pardonner ? Non, rentrez tout de suite à Paris, on verra ça plus tard. Oui, bon, bien Philippe, je saute dans le roster et j'arrive, hein. J'espère que ma méprise ne s'est pas trop sentie à l'antenne. Hein. Bon, toutes mes excuses. Voilà, c'était Émile Fouchetard en direct de la chapelle Sixtine pour la panique au Mangin Palace. Bon, bah c'est raté pour l'ambiance vaticane et c'est bien dommage parce que nous avions également prévu l'interview d'un garde suisse, ces célèbres gardiens du temple, tels des poutis au service du pape depuis 5 siècles. Cela dit, les gardes suisses sont des militaires, les anges gardiens du pape. Alors, quand tu veux un renseignement, place Saint-Pierre, faut faire vite. Voilà les anges, ne s'arrêtent pas. Oh, oh. Voilà les anges, ne s'arrêtent pas. Oh, oh. Eh oui, le garde suisse est taciturne. Cela dit, à l'opposé, il ne faut jamais oublier que le Vatican t'offre également l'opportunité de faire de véritables rencontres. En effet, sur la place Saint-Pierre de Rome, ce sont des millions de chrétiens qui, chaque année, viennent partager avec toi un message d'amour universel. On s'est connus comme ça, en Italie, il y a deux mois. T'as pris cet émouvant, plusieurs photos du Vatican. Comme on était chrétien, justement, ça tombait bien. Jésus viendra pour les vacances. Moi, je ne veux pas rater la messe. On sera, je pense, un peu en avance au JMJ de la Genève. Alors maintenant, à 11h26, à l'heure même de la messe, pour compléter notre regard sur Rome et sur le Vatican, nous avons joint cette semaine au téléphone un évêque français, à savoir le sympathique Monseigneur Gaillot. Pour commencer, nous lui avons demandé à quel moment un évêque pouvait être reçu par le pape au Vatican. Réponse juste après le jingle. C'est cadeau VIP, 100% VIP. Ça le fait, ça le fait. Un évêque est reçu par le pape personnellement, il fait le tour un peu des différentes congrégations. Donc moi j'ai bien été reçu 5 fois par le pape Jean-Paul II. Et puis il y a des fois où il m'a reçu en plus des visites ad limina. Voilà. Et ça se passe comment ? C'est-à-dire que vous êtes avec lui en intimité, vous discutez, il y a des gens... Eh bien, écoutez, on arrive dans son bureau, ça dure en général 20 minutes. Le pape Jean-Paul II parlait bien français, donc c'était en français. Et il écoute. De temps en temps, il pose des questions. Il avait, par exemple, la carte de Normandie devant lui, du diocèse d'Évreux. Et alors, sa première question, toujours, c'était de me dire, est-ce que Lisieux fait partie de votre diocèse ? Alors, je lui disais, non, hélas, Lisieux ne fait pas partie du diocèse. Je n'ai pas de sanctuaire dans le diocèse d'Évreux. Et chaque fois que je revenais le voir, il me reposait la même question. Et je lui dis, vous savez, Lisieux ne fait toujours pas partie du diocèse d'Évreux. Donc vous n'aviez que Lisieux pour pleurer, Monseigneur. Mais dites-moi, quand un évêque arrive au Vatican, par qui et comment est-il reçu, justement ? Quand je vais au Vatican, je suis reçu par un cardinal, je vais voir le pape, donc là je mets la soutane, la croix, la calotte. Et souvent d'ailleurs, j'oublie quelque chose. Je n'ai pas très l'habitude, alors il me manque quoi, la ceinture, ou il me manque la calotte, ou la croix pectorale, ça m'est arrivé. Et là, comment on fait ? Eh bien écoutez, la dernière fois, il y avait un évêque qui sortait, que je connaissais, qui sortait de chez le pape, je devais lui succéder. C'était l'évêque de Troyes à l'époque. Alors je lui dis, écoute, passe-moi ta croix pectorale, j'ai oublié ma croix pectorale. Et comme c'est un évêque plutôt grand et fort, j'avais une croix pectorale qui me descendait sur le bas-ventre, c'est pas très beau, mais enfin, j'avais au moins ce qu'il fallait. Oui, c'est le principal. Alors, pour finir, Monseigneur Gaillot, est-ce qu'à Rome, vous êtes plutôt spaghetti carbonara ou spaghetti bolognaise ? Bolognese. Vous êtes plutôt San Pellegrino ou Chianti ? Ou bien ? Chianti. Chianti. Vous êtes plutôt Lazio de Rome ou AS Roma ? AS Roma. Et enfin, vous êtes plutôt Jean-Paul II ou Benoît XVI ? Plutôt Jean-Paul II. C'était Monseigneur Gaillot pour La Panique à Mongin Palace. Innocence for pride, crusty and within my stride. Said I'm strong, now I know that I'm a leader. I love the sound of you walking away, you walking away. And the mascara bleeds a blackened tear, oh. And I am cold, yes I'm cold, but not as cold as you are. I love the sound of you walking away, you walking away. I love the sound of you walking away, walking away. Why don't you? see those eyes as apologies may rise. I must be strong, stay an unbeliever, and love the sound of you walking away, you walking away. Mascara bleeds into my eye. Oh, and I'm not cold at all, at least as old as you are. La la la la la la la la la la. Walk Away chante en 2005 Franz Ferdinand sur l'album You Could Have It So Much Better. Walk away, partir, parce que quand tu veux partir pour un week-end sans témoins, sans personne, ben Rome, tu ne peux pas trouver mieux. Alors, pour poursuivre notre exploration de la ville éternelle de Romulus aux sept collines, nous allons maintenant, à 11h31, te dévoiler un secret d'État si bien gardé qu'aucun journal n'en a parlé cette semaine. Oui, président Chirac s'est rendu hier incognito à Rome. Tout a commencé jeudi soir lors de l'ouverture du sommet européen de Bruxelles. Président Chirac était à la buvette, essayant de trouver une solution à la crise du CPE, quand il a vu passer Silvio Berlusconi. D'habitude, président Chirac, il est entouré des visages de plus en plus défaits de ses ministres. Alors, de voir Berlusconi, ça lui a fait tout drôle. Il s'est extasié de la bonne mine du président du Conseil italien. Président Chirac a alors demandé à Berlusconi comment il faisait pour conserver un visage si avenant malgré les affres du pouvoir. Je viens du fond de l'Italie et j'ai l'accent de mon pays, italien jusque dans la peau. Je suis rital et je le reste, dans le verbe et dans le geste. Vos saisons sont devenues miennes, mais ma musique est italienne. Je suis rital dans mes colères, dans mes prière. J'ai la mémoire de mon espèce, je suis vital et je le reste. Arrivé Girona. C'est alors que président Chirac a une idée de génie. Il va partir pour le week-end à Rome. Quelques jours en Italie, en pleine crise étudiante, ce sera son petit Baden-Baden à lui. Mais président Chirac veut surtout aller à Rome car il a une botte secrète. En cas de coup dur, un remède miracle, bien plus efficace qu'un article 16, un 49-3 ou une dissolution réunie. Président Chirac a donc convoqué son gouvernement et leur a annoncé la bonne nouvelle. Bonjour les gars, j'ai une grande nouvelle. Devinez, je pars en vacances. Oh, salut les copains, voyez j'ai mauvaise mine. Les rues de Pantin manquent de mandoline. Je pars en voyage avec pour bagage, dans ma petite musette, 5 à 6 chaussettes, 2 ou 3 chemises, ma plus belle mise. Moi je pars pour l'Italie. Salut les copains, allez, n'ayez pas de rancune. L'Italie c'est loin, mais ce n'est pas la lune. Maintenant c'est l'heure, et pour pas qu'on pleure, je m'en vais, c'est sage, faire mes bagages dans ma petite musette, 5 à 6 chaussettes, 2 ou 3 chemises, ma plus belle mise. Moi je pars pour l'Italie. La la la la la. Allez, au revoir les gars. La la la la la la la la. Au son de Mio. La la la la la la la la la. Sans des cartes postales en couleur. La la la la la la la la la la. Au sol et Mio. Président Chirac est tout excité de partir à Rome pour régler le problème du CPE. Après 2 heures d'avion, il est sur place. Chaussures bateau et chaussettes noires, polo rentré dans le Bermuda, président Chirac est prêt pour réaliser son plan secret. Il doit aller jusqu'à la Piazza Navona et président Chirac, ça lui plaît plutôt bien cette petite balade. Dans les rues de Rome, j'aime me promener, je vais du Forum jusqu'au Colisée, le long des ruelles rouges et orangées, je vois les églises et les vieux palais. Cette colline se met d'olivier. Mes amis, ne soyez pas trop tristes. Si j'ai trouvé le pays où l'on aime la douceur de vivre, l'amour et la poésie, à Florence, à Venise, à Rome, à Napoli. Sur une terrasse, on boit des cafés, des marchandes de glace se mettent à crier. La Piazza Navona est tout agitée. Et sur la Piaggio, les garçons sont beaux, les filles sont jolies, sur la Via Condotti. Alors qu'il se dirige vers le lieu mystérieux qui va sortir la France du CPE, président Chirac passe devant la fontaine de Trevi. Ah, la fontaine de Trevi. Président Chirac, ça lui rappelle son voyage à Rome dans les années 50. À cette époque, il se faisait appeler Chichi et il était communiste. Il avait alors jeté une pièce dans la fontaine pour revenir à Rome et ça y est, le voilà de retour. Président Chirac, la fontaine de Trevi, ça lui rappelle surtout la Dolce Vita de Fellini en 1960 avec l'incroyable Anita Ekberg. Président Chirac, il est tout ému de se souvenir de ses fantasmes de jeune homme. Dans l'eau de la claire fontaine, elle se baignait toute nue. Une saute de vent soudaine jeta ses habits dans les nues. Président Chirac reprend rapidement ses esprits, car il sait qu'il a une mission, régler la crise du CPE grâce à sa solution secrète. Et le voici arrivé à sa destination, l'église San Agostino, tout près de la Piazza Navona. Président Chirac est venu ici il y a longtemps, dans les années 50. Il pousse alors doucement la porte et se met à murmurer. Seigneur, je vous ai appelé si souvent depuis bientôt 3 ans, et vous ne répondiez jamais. Et maintenant, j'entends de nouveau votre voix. Donc, ami, Dieu est partout à la même altitude, mais ici, c'est toi qui es plus près de toi-même. Alors, tu n'as rien à me raconter depuis tout ce temps. Seigneur, je suis devenu une grosse légume. Ils ont fait de moi un monsignor. Tu le méritais bien, après tout ce que tu as souffert. J'ai appris qu'il t'avait frappé, qu'il t'avait même blessé à coups de fusil. Donc, ami, pourquoi tu ne me l'avais jamais dit? Peut-être parce que c'était pas vrai. Un monsignor qui dit des mensonges. Je n'aurais jamais cru que ce soit possible. Des mensonges? Ah non, nous non plus, on n'aurait jamais cru que ce soit possible. Président Chirac traverse alors la nef de la petite église San Agostino, admire le beau tableau du Caravage dans une des chapelles et arrive enfin à l'endroit tant désiré, là où il va pouvoir régler la crise du CPE, c'est l'hôtel de Sainte Rita, la patronne des causes désespérées. Président Chirac s'apprête donc à allumer un cierge quand, tout à coup, la statue de Sainte Rita se met à lui parler. Gigi, c'est toi là-bas dans le noir? Attends, laisse-moi te regarder. Mais tu pleures? Tu pleures, Gigi? Ça n'a pas été là-bas, hein? Et alors? Et alors, qu'est-ce qu'ils comprennent, ces Américains, à part le rock et le twist, hein? Ma Gigi, qu'est-ce que tu croyais? Devenir comme ça, Gigi l'Americano? Et invece no, tu es Giuseppe, Fabrizio, Luca Santini et tu es napolitain. Président Chirac se rend compte alors qu'il y a méprise et surtout que Sainte Rita n'a plus toute sa tête. Il fait comme si de rien n'était et cherche des allumettes pour son cierge. Et hélas, pour Président Chirac, le bedeau de l'église San Agostino a repéré le manège et de voir ce grand type en Bermuda essayer d'allumer un cierge sans mettre d'argent dans le tronc, ça l'énerve le bedeau. Alors il ferme la grille, condamnant la chapelle de Sainte Rita, la patronne des causes désespérées. Président Chirac n'a donc pas pu allumer son cierge. Ce n'est pas possible, il n'a pas fait tout ce voyage pour rien. Il veut y retourner dans la chapelle. Ouvre-moi la porte, io non ne posso proprio più. Se ci sei, aprimi la porta. Non sai com'è stato laggiù. Mais rien n'y fait, le bedeau n'ouvre pas la porte et Président Chirac ne peut donc pas brûler un cierge à Sainte Rita pour régler la crise du CPE. Alors Président Chirac, tout penaud, se dirige vers la sortie de l'église. Au passage, il allume un cierge en loose dé à Saint François de Sales, le patron des sourds. On ne sait jamais, ça peut toujours servir à Villepin. Installé au bord d'une fontaine du Bernin, sur la Piazza Navona, Président Chirac se console en mangeant une glace à la bière. Ici, ils ont tous les parfums. Président Chirac est un peu déçu, il est fatigué. Et puis, son voyage à Rome, ça lui a remémoré de vieux souvenirs. Président Chirac, il repense à Anita Ekberg dans la fontaine de Trevi. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Je sais pas comment, faut que je me rappelle. Si c'est un rêve, t'es super belle. Je dors plus la nuit, je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage. Je te vois toute nue. J'en dors plus, viens me voir demain. Bon, c'est clair, il est grand temps de rentrer à Paris. Une fois à l'Élysée, président Chirac convoque Villepin qui, lui, était un peu inquiet de la disparition de son mentor. Mais président Chirac le rassure très vite. Pour lui, la France est dans un bien meilleur état que l'Italie. Moi j'ai vu Rome, et Rome est très abîmée. À Rome, ils ont un grand cirque en pierre, vous savez, ils appellent ça le Colisée. Moi je leur ai dit aux Italiens, votre cirque, mais il tombe en ruine. Vous venez en France, des cirques, on en a, c'est autre chose que ça. Verrier Pinder. Vous verriez Pinder, mais ce n'est pas faux. C'est un beau cirque en ce moment, dans les rues et les facs. Le cirque romain à Saint-Trita n'a pas marché. La prochaine fois donc, il faudra peut-être aller au lac de Côme. Au lac de Côme, l'autre maricra. J'allais faire un tour en cabine. J'allais faire un tour dans le petit bois. Tâter l'âme sœur qu'on devine dans la foule. C'est ce que constate Jean-Louis Murat en 2002 sur un album intitulé « Le Moujik et sa femme ». Parce que si Romano Prodi remporte le scrutin du 9 avril prochain, soyons sûrs qu'il y aura foule à Rome. Alors, pour poursuivre notre aventure dans la cité romaine, il est temps désormais, à 11h44, de retrouver nos deux mafiosi, les téméraires Monique et Jean-Claude, qui, la semaine dernière, sont allés passer quelques jours en Italie pour goûter aux douceurs de la ville de Rome. Et oui, comme chaque année, à l'occasion du printemps, Monique et Jean-Claude s'offrent un petit séjour en amoureux dans un pays du sud de l'Europe. Une tradition. Cette année, Monique a choisi l'Italie. Jean-Claude a dit oui à une seule condition. Naples, Florence ou Venise, qu'importe, mais attention. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Au final, Monique et Jean-Claude ont donc décidé d'aller à Rome, ville éternelle. Ils prennent le train Gare de Lyon à Paris et pour Monique, le voyage est, comment dire, déjà rempli de promesses. Dans le wagon de l'île de Lyon, passé minuit, on s'est aimé, aimé à la folie. Le Paris, Lyon, Marseille, Menton, toute la nuit nous emportait vers l'Italie. On s'est aimé dans les sanglots de lit de long, les sanglots longs des wagons longs de nuit. Et je lui dis au creux de l'oreille, dites-moi tu, dis-moi toi, je vous dirai pareil. À quoi bon nos prénoms, appelez-moi chérie. Dès leur arrivée à la Stazione Termini, Monique et Jean-Claude se rendent immédiatement à leur hôtel Le Siciliano, situé au cœur de Rome à proximité de la célèbre Piazza d'Espagne. L'aubergiste, très chaleureux, les accueille d'un « Comment est-ce ? Molto bene, grazie mille !» répond du tac au tac le Jean-Claude sous le regard ébahi de Monique. Très vite, ils décident de commencer leur visite romaine par le Vatican direction Place Saint-Pierre où une délégation catholique chinoise a envahi la totalité de l'espace dans l'attente d'une éventuelle apparition de Ben Sixtine. Quand tout à coup, Jean-Claude, qui est agoraphobe, ne se sent pas très bien. Un miliardo di cinesi, ed io che sto di qua, sull'altro piatto della bilancia, con l'aspirina e il mal di pancia. Il mondo va così, ma non finisce qui. 100 milioni di indonesiani, ed io che sto di qua, con 1100 e coi miei cani. L'appartamento e coi divani, il mondo va così. Jean-Claude préfère donc éviter la foule et propose plutôt à Monique d'aller visiter une église au calme. Ils flânent tous les deux dans cet édifice religieux et admirent une représentation de l'Annonciation faite à Marie, peinte par un grand maître italien de la Renaissance. Monique demande alors à Jean-Claude s'il reconnaît l'ange sur le tableau. Et pour Jean-Claude, il n'y a aucun doute. Gabriel, tu flottes dans mon cœur, c'est une illusion de douceur. Et tu chantes. L'archange Gabriel, Monique n'en revient pas de cette culture biblique. Oui, sauf que Jean-Claude, bien sûr, ne lui avoue pas qu'il a pioché l'info dans le guide touristique. Toujours est-il qu'il fait beau, qu'il fait bon, c'est romantique. Cappuccino et tutti quanti. Le soir au dîner, dans cette sublime trattoria au son des mandolines, Jean-Claude se sent léger, il se sent bien, il a sifflé une bouteille de Chianti et il se confie à Monique. Je t'aime plus fort que les volcans de l'Italie. Quand résonne encore le bruit des verres de Chianti. Oh, je t'aime à l'italienne. Oh, je t'aime à l'italienne. Dans la foulée, emporté par son euphorie, Jean-Claude veut maintenant aller danser jusqu'au bout de la nuit romaine. Monique est ravie, elle n'a pas dansé depuis si longtemps. Du coup, elle aussi se sent toute excitée. Stasera io sarò più bella per ballar con te. Con te non voglio che tu pensi a quella che tu hai amato. A me. Spero che il vestito che stasera indosserò piacerà anche a te come a me. Porterò i capelli pettinati tutti in su, proprio come vuoi tu. Après cette folle nuit passée dans les rues de Rome, il est grand temps de rentrer à l'hôtel Le Siciliano. Monique et Jean-Claude franchissent tranquillement la porte quand, tout à coup, Jean-Claude s'aperçoit immédiatement qu'il y a un gros problème à la réception de l'hôtel. Ils sont venus, ils sont tous là, dès qu'ils ont entendu ce cri, elle va mourir là, maman. Ils sont venus, ils sont tous là, même ceux du sud de l'Italie. Il y a même Giorgio, le fils maudit, avec des présents plein les bras. Jean-Claude et Monique comprennent alors tout le sens du nom de l'établissement, le Siciliano. L'hôtel appartient à la mafia c'est sûr. Giorgio, le fils maudit, en costard blanc et qui vient de perdre sa mère, la patronne de l'hôtel donc, dévisage furieusement Jean-Claude. L'ambiance est pesante, mais Jean-Claude débonnaire s'approche tout de même de l'une des sœurs de Giorgio pour savoir s'il peut être utile à quelque chose. Mais la Sicilienne est coriace. Avec tes cheveux si blancs, tu as l'air d'un chérubin. Va plutôt jouer au ballon, comme font tous les gamins. Vexé par ce mépris sicilien, Jean-Claude perd son sang-froid et dérape. Il lance à Gina, la sœur du fils maudit, un trait déplacé « Vaffanculo ». C'est alors que Giorgio et son jeune frère se ruent sur Jean-Claude. Oh, comment tu parles à ma sœur ? Viens avec moi, on va se filer. Tête à tête, je vais te fumer derrière les cyprès. Et tout s'arranger ou se régler à la danse. L'un disait « Fils, t'y a aucune chance ». Et les filles, mes chaussures brillent. Hop, attends, je brille, je te bousille, tu te rhabilles. Et moi, je danse le Mia. Comme les voitures, c'était le défi. KUX 73, JM 120, mon petit. Du grand voyou à la plus grosse montiette. La main sur le volant avec la moquette. L'atmosphère est alors aussi chaude qu'un four à pizza. Jean-Claude sent bien à ce moment précis qu'il risque de terminer sa vie dans le coffre d'une bagnole au fond du Tibre. Giorgio s'apprête à cogner Jean-Claude quand tout à coup apparaît Claudia, la sœur aînée de la famille Don Corleone, et elle interrompt son jeune frère. Parle plus bas car on pourrait bien nous surprendre. Tu sais très bien qu'il ne voudrait jamais comprendre que dans nos cœurs, moi j'ai trouvé ce que le monde refusait de nous donner. Tu as de la chance, petit. Sans ma sœur, je t'exploserai la tête. Excuse-toi et dégage, morpion. Jean-Claude s'exécute immédiatement et s'empresse Fissa de rejoindre sa chambre avec Monique où elle se barricade sévère. En réalité, Monique, elle, ne s'est pas rendue compte du danger. Pour elle, la vie avec Jean-Claude, c'est... Le lendemain, bien entendu, Monique et Jean-Claude se sont fait virer de leur hôtel, mais la fin du séjour fut aussi douce que les premières heures passées à flâner dans le Trastevere. Fin de l'histoire, au final, Monique ne retiendra qu'une seule chose de son week-end à Rome, son Jean-Claude, elle l'aime comme aux premières heures, comme avant quoi. C'est ta bouche qui m'apporte ma joie de vivre. Et ma chance, c'est de vivre rien que pour toi. Que m'importe si tu m'aimes moins que moi. Moi, je t'aime comme on aime qu'une fois. Et je reste prisonnière, prisonnière de tes bras, comme prima tu me donnes tant de joie. La notte come allora magica scende, la luna splende e tu sei qui. Mi sento un po' confusa, non so capire. J'espère te le rendre compte heureuse dans tes bras comme prima. Come Prima, tube de l'année 1958 chanté par Dalida. Come Prima, comme avant, parce que du Colisée au Panthéon, du Palatin à l'Arc de Constantin, Rome aujourd'hui, c'est toujours un peu comme avant. Alors nous voici donc arrivés au terme de notre voyage au cœur de Rome. De Silvio Berlusconi à Benoît XVI, de la Piazza Navona à la Chapelle Sixtine et de Santa Rita à Saint-Zano, nous t'avons dressé un panorama subjectif de ce que peut être la ville de Rome. Alors c'est quoi Rome? Eh bien tout d'abord, c'est une ville plurimillénaire qui compte aujourd'hui près de 2 700 000 habitants. Rome, c'est une grande métropole ouverte sur l'Europe et la Méditerranée dans la droite ligne de son passé. Pour la France, Rome, c'est une partie de nos origines, mais hors de notre territoire. Ainsi, dans de nombreux domaines, Rome est sans doute une rivale de Paris. En effet, quelle autre ville européenne est à la fois un musée vivant de renommée mondiale, un centre culturel dynamique et une ville où il fait bon vivre et capable d'offrir une gastronomie reconnue? Enfin, tout cela est à nuancer. Par rapport à Paris, les monuments romains sont en ruine et ils n'ont pas la Tour Eiffel. Et puis, leur cinéma ne s'exporte plus, alors que nous, on a eu un Oscar pour la Marche des Pingouins. Et enfin, la gastronomie française, c'est autre chose, madame, qu'une galette de farine sur laquelle tu colles n'importe quoi. Pâte à pizza comme à la Bondo, on peut y mettre tout ce que l'on veut, du caviar ou du chorizo, elle ne demande pas mieux. Pâte à pizza, pâte à pizza, je te déclare ma flamme. Pâte à pizza, car c'est bien toi la plus miam miam. Et oui, sur la pâte à pizza, tu peux mettre à peu près tout ce que tu veux. Mais attention, parfois c'est indigeste. Par exemple, qui voudrait d'une CPE, une chorizo précarité épinard? Personne, ça te reste sur l'estomac. Et puis, il faut se méfier de cette pizza CPE, parce que pour Villepin, c'est un coup à se retrouver en calzone. Et si la crise continue, Chirac, Borloo, Sarkozy et Robien, ils vont couler comme quatre fromages. Et ce sera qui la Queen en 2007? Ben, la Royale, avec du fromage de Hollande. Enfin, cela dit, au PS, on n'en est qu'aux antipastilles. D'ailleurs, pour l'instant, l'ambiance, c'est plutôt la sicilienne. Pour l'extrême gauche, c'est Marie-Georges ou Arlette en choix. Et encore, on ne parle pas des indésirables, qui ne sont pas prêts de nous lâcher la grappa. Quoi qu'il en soit, la campagne présidentielle s'annonce comme un énorme minestrone. Va vraiment falloir faire attention que le débat d'idées et la chose publique ne décident pas de... S'en aller tous les deux, dans le sud de l'Italie. Et voir la vie en bleu, tout jouer sur un pari. Toute la nuit. C'est le calypso, dans un dancing avec vue sur l'Arnaud. Au milieu de la nuit, un catinini, et va la navette, va la douce vie. On s'en ira toute la vie danser le calypso en Italie. Et voilà la grecque tombe dans le troupeau du Grand Paris quand Paris est à l'eau. C'était Lily Cube qui ressurgit pour toi d'une virée en Italie. Voilà, fin du 29e épisode. C'était C'est quoi être romain, revu et corrigé par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès la semaine prochaine à 11h pour une nouvelle aventure totale foutraque et archi loufoque. Merci beaucoup à Xavier Mauduit, co-auteur du texte et ami précieux. Marco Mutel au platine qui fait aussi Émile Fouchetard, merci beaucoup. Merci à Olivier Daligo et Rémi Quincé, merci à vous deux. Pour toute la documentation, on dit merci beaucoup à Amel Caldi. Pour les scuds, on a Thierry Dupin qu'on remercie vivement. Catherine Pinto et Xavier Rinaldi, nos deux stagiaires très efficaces, merci à eux. Pour toutes les informations complémentaires, la panique au Mangin Palace possède un site internet sur franceinter.com. Voilà, après le flash, vous retrouvez Patricia Martin pour son émission Philophile. Allez, portez-vous bien et surtout, ne lâchez rien. Ciao. Il y a le feu dans le studio, je continue.